Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle sorte d'autocrate moderne pourrait être le sultan Mahmoud II, s'interroge l'historien Etem Eldem. Quelles sont les représentations de la violence au moment de l'abolition des janissaires, ces soldats esclaves, élites de l'armée turque, en juin 1826? Comment, selon un rapport d'ambassade le mois suivant, les derviches Bektachi ont-ils été recherchés par le gouvernement? Quel est leur attachement à la milice jugée source de troubles et donc éradiquée par l'État ottoman? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'université anglophone de Boğaziçi, Etem Eldem nous entraîne dans une grande série pluriannuelle intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Cette année, il s'attache à l'ère des réformes entre 1820 et 1830. Etem Eldem, qui a enseigné aussi bien aux États-Unis qu'en France, défend une approche plurielle de l'Empire ottoman qui mêle histoire générale et micro-histoire locale au plus près des documents, que ce soit des gravures, des lettres personnelles ou des rapports d'ambassade où l'on peut recueillir un contrepoint au discours univoque d'État, mais aussi l'analyse des stèles funéraires comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Etem Eldem s'est attaché notamment aux marques de damnation mémorielles qui ont pu toucher les janissaires quand le sultan Mahmoud II s'est lancé dans des grandes réformes d'État et a décidé d'abolir ce corps militaire jugé séditieux. L'historien a cité le texte « Constantinople » publié en 1853 de Théophile Gautier qui écrit « La rancune du sultan Mahmoud ne s'arrêta pas là. Quand on se promène dans le champ des morts, de Péra ou de Scutari, on rencontre beaucoup de cipes décapités, restés debout avec leurs turbans de marbre à leurs pieds, comme un homme sans tête. Ce sont les tombes d'anciens janissaires que la mort n'a pas mis à l'abri de la colère impériale. Cette colère impériale se traduit par une sorte de guerre sainte où les janissaires sont présentés comme impies. Au-delà du discours d'État et de la volonté de faire naître un sentiment de terreur dans une population ottomane jugée dangereusement liée au réseau des janissaires, quelle figure d'autocrate moderne fait émerger Mahmoud II? Quelle identité constitue-t-il, s'interroge Etem Eldem? Mais tout de suite, qui est Aga Pacha? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 janvier et le 1er février 2019 pour le cours d'Etem Eldem, aujourd'hui, de la plus grande des guerres saintes et de l'autocratie. Je reviens donc aux événements, à ma dissection des événements de 1826, et cette fois-ci, je vais me pencher sur celui qui a été cité à plusieurs reprises, Hüseyin Pacha, celui qui a un drôle de titre. Il est Aga Pacha, Aa Pacha, ce qui surprend, parce que soit on est Aa, soit on est Pacha. Aa, c'est un titre que l'on associe avec, justement, la milice des janissaires. Le chef des janissaires s'appelle le Yeniçeri Ağası, c'est le janissaire Aga, comme disent les contemporains occidentaux. Tandis que Pacha, c'est la bureaucratie, qu'elle soit militaire ou civile, ce sont des gens qui sont en dehors du corps. Il n'y a pas vraiment de Pacha au sein de la milice, ce qui explique le fait qu'il combine ces deux titres, c'est que, justement, Hüseyin Pacha, avant d'être Pacha, a été aga des janissaires. Et il fait partie un peu de ces instruments que Mahmoud va utiliser pour essayer d'affaiblir le corps des janissaires avant son coup de grâce de 1826. C'est-à-dire que Hüseyin Aga des janissaires est quelqu'un qui lui est fidèle et qui, par conséquent, travaille déjà dans les années 1820 à une sorte de neutralisation, d'affaiblissement du corps des janissaires de l'intérieur. Ensuite, il sera transféré à un autre poste et il sera fait pacha. Mais à l'occasion de cette révolution, parce que c'est lui qui va mener les troupes qui vont attaquer et détruire les casernes des janissaires, il obtiendra ce titre un peu hybride de Aga Pacha, qui en quelque sorte relate cette carrière assez exceptionnelle. Et cet Aga Pacha, là nous avons le témoignage de Charles Duval, et Charles Duval est un droguement, c'est un ancien jeune de langue, c'est quelqu'un qui connaît Constantinople, qui connaît la langue déjà. Il raconte comment l'Aga Pacha, qui parcourait la ville en tous sens avec 300 ou 400 hommes armés, donc encore une fois cette terreur, on voit l'armée s'emparer de la ville et patrouiller la ville, arrêter au hasard les citoyens et leur demander « Es-tu musulman ou janissaire ?» Ce qui est déjà, encore une fois, une répétition beaucoup plus subtile, si vous voulez, du fait que l'on considère que les janissaires sont des ennemis de la foi, donc ils ne sont pas musulmans. On est soit musulman, soit janissaire. Et par conséquent, quiconque se dit janissaire ou fricote encore avec les janissaires est par définition un infidèle, quelqu'un qui a trahi sa religion. Donc l'élément, le Sanjak Shérif, l'étendard du prophète, toute cette rhétorique de la défense de la religion contre ses ennemis est là dans cette petite phrase. La plupart répondaient avec empressement et sans hésiter, on les comprend, « Je suis musulman ». Quelques-uns cependant, et ça, bon, il faut du courage, préférant la mort à un aveu proféré contre leurs sentiments, disaient qu'ils étaient janissaires et qu'ils s'en faisaient gloire. Des martyrs, en quelque sorte, de leur cause. Ce qui est quand même très intéressant, être janissaire, parce que là, c'est un peu comme les bleus et les verts à Byzance. Ça n'est pas vraiment une référence au fait d'être janissaire concrètement, mais d'être du parti des janissaires. Quelque chose qui va encore dans le sens de ce que j'évoquais au début, que les janissaires sont plus que simplement une milice, c'est une représentation populaire, c'est une partie de la population qui se revendique d'une sorte de parti politique, si vous voulez, en tout cas social, qui gravite autour de ce foyer de puissance. Il est inutile d'ajouter que traînés à l'hippodrome, ils étaient sur le champ mis à mort. Alors, petite digression qui m'a paru intéressante, c'est que ce Hussein Pacha est très bien documenté grâce à un peintre français qui était de passage à Istanbul juste à ce moment-là, un certain Champmartin. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pas un des plus grands peintres, mais il est d'une certaine renommée. Et encore une fois, un rapport d'ambassade note que Champmartin, en parlant de Hussein Aga Pacha, l'idée qu'il a saisie avidement de se faire peindre par M. Champmartin, jeune peintre, arrivé récemment à Constantinople avec M. l'abbé Desmazures, permet à mon droguement d'avoir avec lui, malgré ses occupations nombreuses, de fréquentes entrevues. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une sorte de vision, un peu de biais, de la manière dont les conversations sont menées. Le droguement a accès à l'homme le plus puissant après Mahmoud, bien sûr, par le biais de l'ambition que cet homme a de se faire un portrait par ce peintre français de passage. Donc, on peut imaginer toutes sortes de moyens par lesquels les Français glanent des informations. Ils sont sans cesse en pourparlers pour des affaires purement commerciales aussi. Et au détour d'une conversation, bien sûr, la situation politique est souvent évoquée. Dans ce cas, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir si on avait quelques traces de ce portrait de Hussein Aga Pacha, parce que les portraits de dignitaires ottomans au XVIIIe et au début du XIXe siècle, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu le portrait de Selim III, celui qu'il a fait faire pour l'offrir à Napoléon. Il n'y en a pas beaucoup. On en connaît quelques-uns au XVIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ça devient la règle. Tout Pacha de quelque statut va se faire peindre le portrait, ou alors, bien sûr, va se faire photographier. Mais à cette période-là, il n'y en a pas beaucoup. Et le tableau est perdu, du moins on ne sait pas où il est, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a une reproduction. C'est-à-dire qu'en 1828, alors le tableau est de 1826, en 1828, une reproduction gravée a été faite de ce tableau, et on en a un exemplaire au British Museum à Londres. Alors vous avez une légende au bas qui dit exactement de quoi il s'agit. Hussein Pacha, aujourd'hui général en chef de l'armée du Danube, de simple janissaire, devint janissaire aga, puis pacha des janissaires, il se mit à la tête de la révolution du 16 juin 1826. peint à Constantinople le 20 juin 26, donc à peine 4 jours après les événements, par Champmartin et gravé à Paris par Dupont, etc. en 1828. Très intéressant, et en plus c'est un portrait assez vivant, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cadre de cette reproduction a une sorte de programme épigraphique. Il y a des inscriptions en turc. Tout en haut, vous avez « Sultan Mahmud Sayesinde », donc « Grâce au sultan Mahmoud ». En fait, c'est un programme épigraphique qui se lit de manière plus ou moins circulaire, puisque vous y voyez retracer la carrière de l'individu. Nefer, soldat, simple soldat. Ensuite, Yeniçeri Ağası, aga des janissaires. Ensuite, aga pacha. Et ensuite, nommé pour la première fois, Serasker, le soldat des soldats, donc en fait le généralissime des armées. Et ça reprend en quelque sorte la légende en français que je vous ai lue il y a un moment. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas la même logique. Alors Hüseyin Pacha, ça d'accord, c'est son nom. Asakir Mansure, les soldats victorieux, c'est le nom de cette nouvelle armée qui est créée et dont il devient le généralissime. Ce qui est plus ambigu, c'est de voir Ehli Urzlar, donc en fait des honnêtes hommes, c'est-à-dire des gens de bien, des gens qui respectent la loi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce par opposition aux janissaires ? Mais enfin, c'est quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Et en plus, vous avez un Han là, le sultan, tout seul. Ça n'est pas vraiment clair. Mais ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est si ce programme épigraphique fait partie du tableau d'origine. Est-ce que c'est une commande de Hüseyin Pacha ? Est-ce que c'est lui, en quelque sorte, qui a voulu se construire une identité, une carrière, un profil, en dictant au peintre ou à quiconque était chargé de faire la décoration du cadre ? Je ne sais pas. On finira peut-être par savoir, je vais aller fouiller un peu à droite et à gauche, mais je trouve que c'est un détail intéressant. En tout cas, c'est un tableau qui ne fait pas partie, malheureusement, de la plupart des récits que nous avons de cet épisode qui, je vous le disais, est généralement passé un peu trop rapidement sous le signe du noir et du blanc, de la destruction de la tradition et de l'instauration de la modernité, etc. C'est beaucoup plus compliqué, et en plus, quand vous arrivez à voir des caractères, des acteurs en chair et en os, et de ce point de vue, je trouve que ce tableau est très parlant, ça devient, à mon avis, beaucoup plus intéressant. D'autant plus que les rapports d'ambassade ont un commentaire concernant le caractère de Hüseyin Pacha. C'est Selasker, il jouit toujours du plus grand crédit, c'est lui qui paraît être, et il se dit lui-même chargé de la réorganisation de tout l'Empire. Donc, il ne se prend pas pour la queue d'une poire, comme on dirait. Ce n'est du reste qu'un soldat plein de bravoure et de bravoure, et non pas bravitude, et de mérite, mais d'instruction militaire aucune. C'est une pauvre tête avec un bras redoutable. Très intéressant. Bon, donc c'est pas une lumière, mais c'est un type qui est loyal, qui est solidaire, qui suit son maître et grâce à qui son maître a réussi ce tour de force qu'est la destruction des janissaires. Sa fortune l'enivre et l'on ne saurait dire s'il en pourra soutenir longtemps le poids. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans les rapports diplomatiques occidentaux. Les Ottomans, en général, soit font de la flagornerie, ils vont vous vanter tel ou tel individu, ou alors ils vont vous le descendre parce qu'il est tombé en disgrâce. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de Champmartin, c'est que il n'y a pas que ce tableau-là qu'il est produit en 1826, il y a aussi le tableau que j'avais utilisé en ouverture de ma précédente leçon. Le voici, c'est un tableau extrêmement vivant. Alors celui-ci, il existe, on le connaît. Il se trouve au musée d'art et d'histoire de Rochefort. Et c'est donc un tableau de Champmartin, daté de 1826, et qu'il appelle « l'affaire des casernes ». Alors ça, c'est un euphémisme. Vous avez une sorte de mêlée où les gens s'entretuent, et vous appelez ça « l'affaire des casernes ». Bon, d'autant plus que la plupart de ses contemporains, et d'autres par la suite, appelleront ça « le massacre des janissaires ». Ils appelleront le tableau parce qu'il le représente vraiment. Mais vous avez un petit commentaire, je ne sais pas si vous avez déjà lu, consulté ou travaillé sur le catalogue des salons de Paris, des artistes vivants qui sont publiés chaque année, certains des tableaux ont un petit commentaire qui est généralement de la plume de l'artiste. Il a donc son commentaire, l'Agapacha, suivi des siens, fait mettre le feu aux casernes où s'étaient réfugiés les janissaires et massacre tous ceux qui cherchent à échapper à l'incendie. Donc une vision un peu d'apocalypse avec énormément de violence. Et pour une fois, ceux qui sont violentés, ceux qui sont massacrés, ce sont ceux qui jusqu'ici avaient été considérés par le folklore, disons, orientaliste, comme les pires des barbares, les janissaires. Les janissaires, c'était les milices les plus sanguinaires. Et tout d'un coup, les janissaires se font trucider par l'Agapacha. C'est un retournement intéressant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu ce tableau. Et là, je vais diverger vers un contexte occidental et celui de l'histoire de l'art, un peu, puisque Champmartin avait exposé en 24 un autre tableau appelé « Le massacre des innocents ». Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où il est, et la base de données Joconde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une excellente base de données du ministère de la Culture qui répertorie en fait toutes les œuvres qui sont en France, n'en a qu'une reproduction en noir et blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la composition est très, très similaire. On voit un peu que le massacre est dans l'air, que les années 1820, et ça c'est quelque chose qui est à mon avis très intéressant, puisqu'il y a un contexte ottoman, si vous voulez, mais vous voyez que là, le contexte est quand même plus général. Le massacre des innocents, c'est quelque chose de biblique, n'est-ce pas, et qui n'a pas nécessairement de rapport avec ce qui se passe en Orient. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, encore une fois, ces connexions étranges entre des œuvres représentées, exposées au même moment. 1824, c'est aussi la date des massacres de Kyoto. De Sio, comme Delacroix l'appelait. Et là aussi, vous avez quelque chose de très similaire. À chaque fois, vous avez ce leitmotiv du cheval ruant avec un cavalier sanguinaire qui est le massacreur par excellence, que ce soit pour le massacre des innocents ou pour le massacre de Sio ou même le massacre des janissaires. Et en plus, et là, c'est un historien de l'art du nom de John Lambertson qui prétend qu'il y a entre Delacroix et Champmartin, enfin il prétend, c'est vrai en plus parce qu'il y a une correspondance, il y a entre les deux artistes beaucoup d'amitié et de fraternité, disons, donc il y a probablement des inspirations dans un sens et dans l'autre qui, à moi, me paraissent quand même assez frappantes quand on voit, n'est-ce pas, le massacre des innocents et les massacres de Sio exposés à Paris en 1824, la même année, dans le même salon. Mais voilà, le contexte ottoman, il est là aussi. Donc les Grecs se font massacrer en 24, maintenant c'est les janissaires, puisque les Grecs en fait sont victimes des janissaires. Une partie des massacreurs en 1822, lors du massacre de Sio, ce sont des janissaires, et ce sont bien sûr des volontaires, les bachibozouk, etc. Mais là, il y a toute une séquence, si vous voulez, une imbrication de ces œuvres qui me paraît extrêmement intéressante. Lambertson va un peu plus loin, puisqu'il constate que, encore une fois, fondant son analyse sur l'amitié entre Delacroix et Champmartin, il va jusqu'à dire que, en fait, le tableau, le massacre des janissaires ou l'affaire des casernes de 1827 est l'inspiration pour une toile encore plus célèbre de Delacroix qui sera exposée en 1828, la mort de Sardanapale. Bon, je m'arrêterai là parce que je ne suis pas historien de l'art et je ne suis pas tout à fait convaincu par cette connexion-là, mais ce qui est intéressant, c'est que la présence de tant de massacres, la présence de tant de représentations de l'arbitraire, de la violence, du despotisme, est quelque chose qui a un rapport avec la politique française de l'époque. C'est la Restauration, c'est Charles X. Nous sommes à 3 années de 1830. Donc il y a un contexte, et ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, même si on ne peut pas vraiment lier les événements de 1826 à Istanbul avec ceux de 1830 à Paris, mais le simple fait de voir que ces images circulent entre Constantinople et Paris, et que Paris se fait une représentation de Constantinople où le sous-texte, le message politique est un de critique à l'égard des velléités autocratiques de Charles X, ça, je trouve que c'est un contexte intéressant qui permet justement de resituer 1826 dans un contexte un peu plus général et non plus dans cette espèce d'isolement qui est typique de la manière dont on voit les choses quand il s'agit de dépeindre les transformations de l'Empire ottoman. Donc c'est une digression, comme je les aime, mais une digression qui me paraît utile justement pour explorer, et je n'ai fait qu'effleurer quelque chose que je n'ai pas encore étudié, mais qui me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire de combiner l'étude en profondeur, l'étude minutieuse, le détail, si vous voulez, de ce qui se passe au jour le jour à Istanbul, mais le combiner avec une vision un peu plus générale d'un contexte, d'un air du temps, d'un zeitgeist, si vous voulez, qui aurait des implications et qui, par le biais de la peinture, de l'art, pourrait donner à tous ces événements une dimension mondiale, globale, qui me paraît intéressante. Mais encore une fois, et c'est ce que je vous avais annoncé au début, je suis là pas seulement pour répondre à des questions, mais pour en poser. Et ça, c'est une question que je pose, et je la laisse là, encore une fois, parce que ce n'est pas ma spécialité, et surtout parce que je n'ai pas fait mes devoirs encore, et que j'espère pouvoir me lancer dans le détail de tout cela pour voir s'il y a d'autres sources qui permettraient de donner un peu plus d'étoffe à ces hypothèses que j'ai avancées concernant les représentations artistiques de la violence et des massacres dans les années 1820. En tout cas, si l'on retourne à Istanbul, voici encore une fois, 5-6 jours après les événements, un rapport qui vous donne un peu l'air du temps, l'atmosphère assez nocive, assez noire de Constantinople. Encore aujourd'hui, les exécutions continuent, de nombreux cadavres flottent en vue du rivage, vers le sérail et les sept tours. Les sept tours étant une forteresse qui se trouve en périphérie à la fin des murs terrestre de Constantinople. Le ministère est toujours sous la tente, donc on est vraiment dans cet état de siège, et partout on voit des pelotons d'hommes s'exerçant au maniement des armes. Donc d'un côté, on a détruit, on essaye de reconstruire, on essaye de greffer sur les décombres, sur les ruines de la milice des janissaires, on essaye de greffer cette nouvelle armée qui serait exercée, qui serait réglée, comme il disait, à la manière des armées occidentales. C'est une fièvre générale chez tous ceux qui sont pour le parti du monarque. Encore une fois, parti. Je trouve que c'est important, c'est un vocabulaire français de l'époque qui parle en fait de politique. Et vous ne trouveriez pas vraiment d'équivalent en turc pour dire parti, le parti du monarque, le parti. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a une situation politique qui va au-delà de simplement cette dichotomie entre l'État qui écrase les traîtres de janissaires. C'est beaucoup plus complexe du point de vue de la politique. Mais on rapporte aussi que le spectacle de tant de sang, donc triomphe d'un côté, mais le spectacle de tant de sang versé, de tant de décapitations publiques, de tant de cadavres exposés aux yeux, commence à faire quelques sensations pénibles dans le peuple et à causer son dégoût. Dans tout cela, pourtant, rien ne ressemble encore à une opposition qui soit à craindre pour la porte. Donc ils sont toujours en train d'essayer d'analyser la situation, voir où ça va les mener. Mais encore une fois, j'établirai un timide parallèle entre ça et la terreur de la Révolution, c'est-à-dire le fait que la Révolution, elle commence à se fatiguer du fait, justement, de la terreur qu'elle impose après 1793, et il y a de très bons articles qui ont été publiés sur la réaction, surtout de certaines classes, les femmes par exemple, à toute cette violence qui commence à dégoûter, à décourager la population qui va se retourner vers des valeurs plus sûres, des valeurs plus conventionnelles, la religion entre autres, et c'est ce qui va bien sûr accueillir à bras ouverts un consul entreprenant qui, à la fin de sa carrière, s'appellera Napoléon. Le bilan de tous ces massacres, on exagère sans doute, dit ce diplomate, le nombre des victimes dans le public, mais il n'est pas au-dessous de 6 à 7 000 dans la capitale et sa banlieue. C'est énorme, hein, je veux dire, 6 000, 7 000 individus. Alors bien sûr, il y a la destruction des casernes, mais il y a aussi ce qui suit, c'est-à-dire des exécutions. Alors comment partager ces chiffres? On ne sait pas. C'est vraiment, ce n'est pas une période statistiquement solide, donc on fait avec les estimations que l'on a. Celui des exilés est plus considérable, 15 à 16 000, et selon d'autres, de 12 000. Ça aussi, énorme. La ville a peut-être 250 000 habitants. Donc vous parlez d'un exil qui implique la vie d'environ 5% de la population. C'est quand même très important. Ce sont des mouvements, tant par la mort que par l'exil, qui sont excessivement importants. Car tout homme qui n'offre pas de garantie suffisante est obligé de retourner dans son pays. On établit en quelque sorte une police, quelque chose que les Ottomans ont toujours essayé de faire, c'est-à-dire d'interdire l'accès de la capitale à des vagabonds et surtout à des célibataires. Le célibataire, c'est ce qu'on déteste le plus. Le nomade et le célibataire, c'est ceux qui sont dangereux, ceux qui n'ont pas de métier, ils sont sans voix ni loi. Mais jamais l'Empire n'a été capable d'établir un tel contrôle, une telle rigueur. C'est donc vraiment un état de siège qui est instauré. Faisons mention d'un bruit auquel on ajoute foi. Généralement, la sortie du Sanjak Shérif est toujours signalée par 12 000 victimes. Et tant que ce nombre n'est pas complet, cet étendard ne rentre point au trésor impérial. Tout d'un coup, une sorte de mythe, une sorte de légende sanguinaire qui apparaît. Quelque peu soutenable que soit cette opinion, elle est fortement enracinée dans l'esprit du peuple. Encore une fois, un signe de découragement, de terreur. Ça n'est pas fini, il faut qu'on atteigne le comble de 12 000 morts avant que le Sanjak, l'étendard du prophète, ne rentre dans le trésor impérial et que par conséquent on retourne à un état de paix. Dernier commentaire que j'expliquerai ici, encore une fois, 26 juin, donc la semaine qui suit les événements, il manquerait à ce tableau un trait essentiel si nous négligions de parler de l'espèce de stupeur soulignée dans le texte et de tristesse qu'on remarque depuis plusieurs jours dans la population en général. Le commerce est nul, donc c'est une ville morte en quelque sorte. Une masse considérable d'individus perdent une existence aisée. Peu légitime, dira-t-on, mais cependant établi sur de vieux abus restés intacts. Un plus grand nombre encore craint les visites d'une inquisition qui a déjà frappé tant de têtes. Il n'est donc pas difficile d'expliquer le morne silence d'hommes arrachés tout à coup à leur apathie, à leur sécurité, à leur goût et forcés de passer sous le joug des nouvelles institutions qu'on prépare jusqu'ici sans relâche. Très intéressant parce que c'est vraiment une analyse politique d'un découragement d'une population qui a perdu le contexte de sa vie normale. C'est ça, c'est la vie normale qui a disparu. La disparition des janissaires, c'est pas seulement la disparition d'une milice. Pour certains, c'est peut-être un soulagement, mais pour beaucoup, c'est l'économie, c'est la société qui s'en retrouve extrêmement impactée de manière extrêmement négative et par conséquent, les gens sont excessivement abattus. La ville est morne, la ville est silencieuse, la ville a peur de l'orage qui est peut-être en train de couver et on est à 10 jours uniquement de cet événement. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830 », aujourd'hui de la plus grande des guerres saintes et de l'autocratie. Je continue donc à disséquer cet événement de 1826, l'heureux événement de 1826 tel que l'historiographie officielle ottomane l'appelait. Cette fois-ci, je vous accueille avec une image que je trouve très belle. Vous savez que j'aime bien les belles images. Et je pense que les images, à partir du moment où elles sont parlantes, sont extrêmement intéressantes pour essayer de faire passer un message et de contextualiser, comme on dit, le sujet traité. Et par belle image, je ne veux pas dire du grand art. Tout le monde n'est pas de la croix. Toutes les toiles ne sont pas Sardanapale. Là, c'est une toile d'un modeste peintre français qui se trouvait à Constantinople pendant les années 1820. un certain François Dubois, dont on ne sait pas grand-chose, mais c'est une belle toile pour ce qu'elle dit et pour ce qu'elle décrit, puisque vous y aurez reconnu une parade militaire sur l'un des sites mythiques et symboliquement extrêmement importants de Constantinople, de la capitale de l'Empire ottoman, d'Istanbul, l'hippodrome, le fameux hippodrome byzantin, que l'on reconnaît, pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville, que l'on reconnaît notamment à ses aiguilles, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les obélisques qui décoraient la spina centrale de l'hippodrome byzantin. Je m'étendrai un peu plus sur cette toile et sur le contexte qu'elle décrit, puisque cette fois-ci, j'ai intitulé ma leçon « Autocratie et résistance ». C'est un thème qui était déjà sous-jacent à ce que je vous ai décrit lors de mes leçons précédentes, c'est-à-dire la montée en puissance de Mahmoud vers un système autocratique que j'essaierai de distinguer de ce que l'on pourrait appeler le despotisme oriental à l'ancienne. Ce n'est pas simplement un sultan, c'est un sultan moderne, c'est un nouveau sultan, et cela, ça se voit à son caractère, ça se voit à ses actions, ça se voit à la manière dont il se façonne, pour utiliser cette expression qui est très en vogue dans les sciences sociales en Amérique, fashioning the self, façonner le soi, c'est-à-dire construire son identité. Un sujet très important lorsque l'on veut parler justement de politique et d'idéologie et de la constitution d'un caractère fort, d'un acteur fort sur la scène politique. Or, l'autocratie de Mahmoud, c'est ça. Donc c'est une modernité teintée, mêlée d'autocratie, d'arbitraire, ainsi que j'essaierai de vous le montrer. Et bien sûr, résistance, puisque encore une fois, j'ai essayé de vous expliquer au cours, encore une fois, de ces leçons, que le rôle joué par les janissaires et par ceux qui sont plus ou moins assimilés aux janissaires est extrêmement difficile à définir à partir du moment où on veut bien quitter le stéréotype, le cliché un peu du bon janissaire du XIVe siècle et le mauvais janissaire du XIXe, le janissaire dégénéré, le janissaire qui n'est plus ce qu'il était. C'est beaucoup plus compliqué puisque, ainsi que je vous le disais, les janissaires sont imbriqués, impliqués, mêlés à la population. Ils font partie de la vie économique, sociale, politique, culturelle de la ville. Donc, quand je parle de résistance, je vais essayer d'évoquer, encore une fois avec beaucoup de difficulté, cette question de l'autre côté de ce gouffre qui sépare Mahmoud, l'État, de la société. Avec beaucoup de difficulté parce qu'encore une fois, ainsi que je vous le disais, la documentation ottomane est une documentation d'État et de ce fait, elle reflète la vision, la perception, les désirs, les priorités de l'État et par conséquent, elle ne fait qu'effleurer et encore très rarement la réalité sociale, si vous voulez, la réalité de tous les jours, puisque ce n'est pas son souci. Son souci, que ce soit les firmants, les décrets promulgués par le sultan et par la bureaucratie, ou que ce soit les textes pondus par les historiographes qui sont amenés à défendre la cause de l'État, tous ces documents finissent par épouser une sorte de version univoque des faits qui ne veut que glorifier et justifier, légitimer l'action de l'État et par conséquent va étouffer, passer sous silence des faits, des pensées, des sentiments qui ne vont pas dans le sens de ce récit, entre guillemets, officiel. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Empire ottoman, c'est quelque chose qui est plus ou moins universel. C'est ainsi que l'État, si l'on admet que l'État est une formation politique et même sociale qui se sépare de la population, de la société, c'est ainsi que l'État réagit et essaye de promouvoir ses propres intérêts. Donc, autocratie, Mahmoud, résistance, le peuple. le peuple ou des sections du peuple, des portions de cette masse d'environ 250-300 000 individus qui peuplent la ville, sans compter bien sûr les provinces, puisque, ainsi que je vous l'avais dit, ce qui est réalisé en un coup de force d'une nuit et demie à Istanbul est beaucoup plus difficile à réaliser dans les provinces, puisque les provinces d'abord sont extrêmement éloignées, la possibilité de vraiment contrôler ce qui se fait en province est limitée. Et par conséquent, lorsque vous consultez les archives ottomanes concernant l'application de cette effacement, de cette destruction des janissaires, on voit énormément de précautions qui sont prises par l'État pour ne pas, justement, manquer leur coup. Ce qui leur fait le plus peur, bien sûr, c'est de lâcher, en quelque sorte, le contrôle qu'ils pourraient avoir sur les provinces. Et par conséquent, plutôt que de promulguer immédiatement l'événement, ainsi que cela a été fait à Constantinople même le lendemain de la Révolution, la Sublime Porte va préférer envoyer d'abord des lettres privées à l'intention des gouverneurs, les mettant au courant de ce qui se passe et leur donnant le temps de se retourner un peu et de préparer une éventuelle complication suite à la promulgation de ce décret dans les provinces. Donc c'est quand même un équilibre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le mythe de l'État ottoman centralisé est un mythe qui est créé par l'État lui-même, mais c'est un mythe, c'est une légende. L'Empire ottoman est centralisé au centre. Je veux dire, il a une idéologie qui est centralisante, mais de fait, il n'a guère de possibilité d'étendre son pouvoir de manière concrète et immédiate au-delà d'un périmètre très limité autour de la capitale de l'Empire. Évidemment, ce qui a contribué à cette légende, c'est aussi l'historiographie turque du XXe siècle qui, dans sa manie de projeter, de rétro-projeter dans le passé les idéaux de la République de Turquie, a fini par se créer un mythe d'une continuité dans la tradition étatique centralisante de l'Empire ottoman et ensuite de la Turquie. Et à chaque fois, et on le sait bien que dans le cas de la Turquie aussi, c'est un problème majeur, et je pense que je suis ici dans un pays qui sait à quel point la centralisation est quelque chose qu'il est extrêmement difficile et peut-être pas souhaitable de réaliser. Revenons donc aux événements de 1826, avec une focalisation un peu sur Mahmoud. Sur Mahmoud, donc ce jeune sultan, je vous disais qu'il était né en 1785, donc il n'est plus tout jeune, il était jeune lors de son traumatisme de 1807-1808, lorsqu'il a failli périr aux mains des janissaires. Là, il a déjà la quarantaine. Et la quarantaine, au XIXe siècle, dans un contexte prémoderne où l'on connaît les conditions de vie, 40 ans, ça n'est plus jeune, bien sûr. C'est un homme mûr, c'est un homme qui a bien vécu, qui a vécu, en fait, dans cette étrange combinaison d'effroi, de peur, de voir une récidive des événements de 1807-1808 qui avait coûté la vie à son oncle Selim, et le désir de changer les choses, c'est-à-dire de se débarrasser de ce qu'il considère être le défi majeur à son autorité en tant que sultan. Et je vais encore une fois me servir des rapports d'ambassade, ces rapports de diplomates français établis à Constantinople qui, comme je vous le disais, ont l'intérêt d'être curieux. D'être curieux, pas dans le sens étrange, mais curieux parce qu'ils sont empreints de curiosité. Ces gens-là veulent savoir ce qui se passe. Et eux, contrairement à l'État, n'ont pas d'a priori. Ils en ont quelques-uns, bien sûr, concernant l'Orient, etc. Mais pour ce qui est des événements, pour ce qui est de la manière dont cet événement majeur va se développer et réussir, ou au contraire se solder par un échec, ils sont sur le qui-vive, ils sont curieux de voir où tout cela va les mener. Et comme je vous le disais, ils ont souvent, on avait vu l'exemple de Hussein Agha Pacha, qui s'était fait faire le portrait par Jean Martin, ils ont des contacts avec des dignitaires de l'Empire, et par conséquent, ils essayent autant que possible de glaner des informations, des connaissances qui pourraient éclairer un peu une situation qui est, pour le moins, chaotique. Et c'est ainsi que, sans le citer, ce diplomate, le rédacteur du rapport, parle d'une personne qui, depuis une vingtaine d'années, est attachée à Sultan Mahmoud et ne le perd, pour ainsi dire, jamais de vue. Donc c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un, alors ce pourrait être un membre du gouvernement, mais ce pourrait être, et ça c'est en général beaucoup plus intéressant, quelqu'un de son entourage immédiat, un page, Silartal, devenu grand maître de telle ou telle chose, et par conséquent qui fait partie de cet entourage qui est constamment en présence du sultan. Et cet informateur lui a donc fait dernièrement part de sa surprise face à la détermination de Mahmoud. Jamais je n'ai remarqué, disait-elle, avec tant de résolution, de fermeté, d'activité et de courage dans ce prince que depuis les jours de crise que nous venons de passer. Alors, le document est daté du 26 juin, donc on parle vraiment de la semaine qui suit les événements. C'est un autre homme, il pénètre tout ce qui l'entoure, de l'enthousiasme qui l'anime lui-même. Je ne puis revenir de mon étonnement. Il est de fait que sa hautesse, on ne dit pas sa majesté, mais sa hautesse, allez savoir pourquoi, a déployé un caractère qu'on ne lui soupçonnait pas, et si cela se soutient, on ne pourrait sans injustice lui refuser l'hommage dû aux souverains de la race ottomane qui ont laissé une grande renommée. Donc on y voit déjà le fait que Mahmoud a dû, en grande partie, dissimuler ses intentions pendant une vingtaine d'années, depuis qu'il est arrivé au trône, et je vous avais donné des exemples de la manière dont il avait essayé de miner, en quelque sorte, l'institution des janissaires, en choisissant des agas, des chefs de cette milice, qui étaient ses alliés et qui étaient d'accord pour l'idée d'essayer de s'aborder, en quelque sorte, ou du moins d'affaiblir ce corps d'armée. Mais tout cela avec beaucoup de dissimulation, en évitant surtout de faire des vagues, de faire mousser cette haine apparemment qu'il avait des janissaires, et en gardant donc un profil bas, comme on dit, pour masquer ses véritables intentions. Donc le 15-16 juin, cette révolution est un déchaînement de violence, etc., mais c'est un déchaînement de sa personnalité aussi, et nous en verrons des exemples. Un déchaînement, il se découvre tout d'un coup un pouvoir, une force et une visibilité qui est extrêmement différente de ce à quoi on est habitué dans le contexte des sultans ottomans. Je vous le disais, il s'en prend à pratiquement tout le monde, tous ceux qui sont plus ou moins associés aux janissaires, et il y a notamment une confrérie très puissante, très présente, qui deviendra immédiatement, dans les jours qui suivent, victime de ces mesures, c'est la confrérie des Bektachi. Les Bektachi, c'est une confrérie très ancienne, qui a la particularité d'être ce qu'on appelle hétérodoxe, c'est-à-dire fort éloigné de la doxa sunnite, de la doxa orthodoxe de l'islam, celle que l'État compte pratiquer, celle que l'État promeut lors de l'expression de son idéologie. Ce sont des gens qui sont vraiment en marge parce qu'ils fricotent avec le chiisme, et avec des formes de syncrétisme qui font penser aussi à des influences chrétiennes. Ils ont le culte des 12 imams. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le chiisme, les 12 imams, c'est un des piliers, ou un des 12 piliers de l'islam chiite. Ils sont donc très proches de l'idéologie qui définit en fait l'ennemi principal de l'Empire ottoman pendant la période dite classique, l'Iran. L'Iran safavide, qui, même s'il a disparu, est désormais remplacé par les Qadjars, reste une puissance chiite, avec une culture, une politique, une idéologie très fortement ancrée dans cette différence essentielle au sein de l'islam. Mais ce que les Bektachi ont de très puissant, c'est que, d'une part, ils sont fortement associés, et c'est ce qui les a perdus en 1826, aux janissaires. Ils sont associés avec l'invention, en quelque sorte, du corps des janissaires. Ils constituent l'élément religieux et symbolique le plus fort dans l'identité des janissaires. Et en plus, ils ont un ancrage très puissant dans la société. C'est une tarika, comme on dit, tarikat, c'est-à-dire une confrérie. Par conséquent, ce sont des gens qui profitent d'un réseau fait de moines itinérants, de derviches itinérants, mais aussi de couvents, ce qu'on appelle un dergah en turc, des couvents en ville ou en province, où ils recueillent énormément de soutien de la population. Ils sont vraiment très fortement imbriqués dans la réalité sociale. Donc, dès cet événement, du fait de leur association avec les janissaires, ils tombent sous le coup de cette condamnation générale et on commence par démolir les couvents, ainsi que le dit ce rapport, dont le fondateur consacra, il y a plus de 400 ans, l'institution de la milice proscrite. Il s'agit de Hadji Bektash Veli. Alors bien sûr, il y a beaucoup de légendes et de mythes autour de cette histoire de la consécration, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'identité, dans la culture des janissaires et de ce fait de la population. Et certains dignitaires, certains membres des classes dirigeantes, certains intellectuels qui appartiennent au haut clergé, qui sont eux-mêmes associés, bien qu'ils représentent la doxa, bien qu'ils représentent l'establishment orthodoxe, qui sont associés au Bektachi, vont tomber avec eux. Et parmi eux, un petit clin d'œil à un de nos héros de l'année dernière. Vous vous souviendrez peut-être de ce pauvre Shahnizadeh Ataullah Efendi, que j'avais accusé de plagiat lorsqu'il avait en gros copié mais complètement dénaturé l'article Histoire de Voltaire pour en faire son introduction, sa mukaddima à son récit historique en tant qu'historiographe de l'Empire. Donc c'est vous donner un exemple concret de la rapidité avec laquelle une carrière peut se faire et se défaire du jour au lendemain. Shahnizadeh, celui que Mahmoud, ne voyant absolument pas qu'il s'était inspiré de Voltaire, avait loué pour ses prouesses littéraires, tout d'un coup se retrouve au banc de la société. Il est exilé et il mourra d'ailleurs en exil avec une petite histoire que je ne répéterai pas. Nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être. Encore une fois, vers le 12 juillet, donc à peine trois semaines après les événements, les Bektachi sont là et il est intéressant de voir que c'est là le travail d'un diplomate qui essaye de s'informer. On voit qu'au fur et à mesure, ils amassent de l'information concernant le contexte justement de cette confrérie. On a déjà annoncé, dit-il dans les bulletins précédents, que les derviches Bektachi étaient recherchés par le gouvernement. On dit aujourd'hui que ces religieux dont le fondateur avait consacré en 1329 de l'ère chrétienne. Alors bien sûr, 1329, il n'y a aucun document, ça fait partie de la mythologie de la création de l'ordre, de même que l'Empire prétend avoir été créé en 1299. Ce sont des dates tout à fait fantaisistes, des dates qui sont construites, qui sont inventées a posteriori pour légitimer en quelque sorte un récit officiel de telle ou telle institution, y compris l'Empire lui-même. Il aurait donc consacré en 1329 l'établissement des janissaires. Ils sont proscrits à leur tour à cause de leur attachement à la milice abolie et qu'une sentence impériale a été prononcée contre eux. En effet, le chef du couvent de Scutari a été amené aujourd'hui au camp du Grand Vizir et d'autres individus de cet ordre ont été arrêtés dans Constantinople. Et là, la petite parenthèse ethnographique, anthropologique, c'est le diplomate essayant d'expliquer au ministère des Affaires étrangères à Paris de quoi il s'agit. Les Bektachi ont des opinions peu orthodoxes aux yeux des sunnis. Ils sont en effet chiites, donc chiites, ou partisans d'Ali, et leurs chefs se prétendent affiliés à la franc-maçonnerie, pharmaçon en turc, dont le seul mot dans tout l'Orient est synonyme d'impiété, de sorcellerie et d'athéisme. C'est un détail intéressant, c'est quelque chose qui a déjà été dit, je vous renvoie aux travaux de Irène Melikoff ou de Thierry Zarkon, qui ont travaillé pour des périodes plus tardives sur les rapports, le rapprochement en quelque sorte entre les francs-maçons, la franc-maçonnerie, les débuts de la franc-maçonnerie en Orient et les Bektachis. On sait que un cheikhul islam, donc le poste le plus élevé du clergé entre guillemets ottoman au début du XXe siècle, Moussa Kazim Efendi, était un franc-maçon. Alors on est encore loin de cela, mais il est intéressant de voir qu'en 1826, ils sont déjà conscients du fait qu'il y a des relations entre deux sectes, si vous voulez, qui sont un peu hétérodoxes. D'un côté comme de l'autre du continent, puisque la franc-maçonnerie, elle aussi, revendique une sorte de désacralisation de la religion en s'inventant une religion qui est de plus en plus laïque et qui jouera d'ailleurs un rôle très important dans l'Empire ottoman pendant la seconde moitié du XIXe siècle et tout au début du XXe. Mais là, c'est simplement une constatation et bien sûr l'amalgame entre hétérodoxie, hérésie, athéisme, franc-maçonnerie, bektachisme, vous dit à peu près à quel point ces concepts, ces notions sont mêlés, pas seulement dans l'esprit d'un diplomate qui, après tout, n'est quand même pas un spécialiste de théologie ou de sociologie ottomane, mais dans l'esprit de ses contemporains ottomans, puisqu'il y a énormément de fluidité dans ces identités. C'est le propre, justement, d'une société moderne, d'une société prémoderne, si vous voulez, d'une société traditionnelle et d'une société vivant dans un empire multi-ethnique, multi-confessionnel. C'est le propre d'une telle société de vivre de fluidité, de pouvoir bouger, de pouvoir passer d'une identité à l'autre, de pouvoir accumuler des identités, les utiliser au mieux, selon les circonstances, c'est cette fluidité, cette souplesse qui font un empire, qui font en fait la capacité d'un empire à survivre, mais aussi d'une société à survivre dans un empire qui parfois a des velléités un peu autoritaires. Un épisode que je trouve intéressant, parce qu'encore une fois, c'est un peu ce diplomate, les droguements, c'est surtout les droguements, les jeunes de langue qui servent d'informateurs à l'ambassade de France. Un épisode qui est, disons, journalistique. C'est justement ce genre de petits épisodes qui me paraissent extrêmement importants, parce qu'ils vous donnent une sorte d'instantané de ce qui se passe à Constantinople en ces moments extrêmement troublés, extrêmement difficiles. Et c'est donc un épisode qui concerne Mahmoud et un méchant barbu, ainsi que vous allez le voir, puisque le sultan Mahmoud, en se rendant avant-hier en pompe à Eskiseray, je vous le disais, c'est l'ancien sérail, le vieux palais, celui qui est au centre de la ville et qui va être utilisé, réutilisé, vidé de son contenu, qui était en général les rebuts du sultan précédent, c'est-à-dire les femmes, les esclaves, les eunuques du règne précédent. Il sera vidé de tout cela pour devenir le centre de la nouvelle machine de guerre de l'Empire, de cette armée nouvelle et victorieuse de Mahomet, comme elle s'appelle, les Asakir Mansouri Mohammediye. Ce deviendra donc le quartier général du Seraskar, du généralissime, celui qui désormais remplira les fonctions suprêmes pour ce qui est du commandement de l'armée. Et ceci se poursuivra jusqu'à la République, en fait, puisque avec la modernisation, ce bâtiment et ses dépendances deviendront le ministère de la guerre, donc une version modernisée, si vous voulez, de ce qui avait commencé en 1826 comme le quartier général du généralissime. Et c'est donc en se rendant à Eskiseray, au milieu de ces gardes d'élite, alors nous reparlerons de tout cela, ayant remarqué dans la foule un individu à barbe noire et épaisse, portant le turban vert et d'une physionomie caractéristique, bon, c'est de l'islamophobie, n'est-ce pas, caractéristique, donna l'ordre de l'arrêter. C'est intéressant parce que vous imaginez quand même une foule et le sultan entouré de ses gardes qui, tout d'un coup, a le regard accroché par un individu assez patibulaire, mais presque, comme on dit. Et le siliktar, c'est-à-dire celui qui a l'honneur de porter le sabre du sultan, incertain, allait saisir une autre personne, mais sa hautesse lui cria « Ce n'est pas celui-là, mais bien celui-ci ». Ce qui déjà vous fait imaginer que des barbus, il y en avait plusieurs. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une sorte d'urgence, parce que si l'on connaît le rituel, l'étiquette de l'Empire ottoman, on saura que l'un des apanages du sultan, c'est le silence. Le silence en impose. Le silence est de règle au palais. Et par conséquent, un sultan qui non seulement commence à vociférer, à crier, mais en plus pointe un individu du doigt, c'est vraiment tombé très bas. C'est quelque chose d'étrange. C'est contraire, si vous voulez, au charisme que l'on associe avec la personnalité du sultan. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'observateur. Et elle accompagne à cet ordre d'une expression assez singulière dans la bouche d'un souverain. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais enfin, il a dû dire quelque chose d'assez grossier, disons. Encore une fois, quelque chose qui déroge à la noblesse, au calme qui devrait caractériser sa posture, son attitude, et qui manifeste l'humeur violente dont elle était agitée, en reconnaissant, selon certains, un Bektachi, et selon d'autres, à la vue d'un homme qui avait prononcé quelques paroles à voix basse, mais avec une expression qui trahissait sa haine contre le sultan. Donc, encore une fois, très intéressant, d'abord parce que c'est un instantané, et ce qui nous manque le plus dans la documentation ottomane, ce sont justement ces instantanés, ces moments parlés, vus, sentis, où l'on peut essayer de se recréer, en quelque sorte, l'environnement dans lequel l'événement s'est produit. Plus je me penche sur cet événement de 1826, plus j'y vois quelque chose qui est fortement cinématographique. C'est ça, en fait, qui donne à l'histoire une sorte de tissu, une étoffe, qui la rend beaucoup plus réelle, beaucoup plus vraie que ce que les simples décrets bureaucratiques ou impériaux vous disent et qui vous donne un sens de la manière dont cet événement est vécu. Et par conséquent, là, vous avez un instantané, mais en plus, vous avez, et ça c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que je vais essayer de décrire de Sultan Mahmoud, cette transformation de l'individu qui fait de lui un nouveau type de sultan, plus humain, plus violent, plus impliqué dans la politique, plus visible, quelque chose qui chamboule énormément les normes de ce que l'on attend d'un sultan. Et bien sûr, c'est aussi la crainte. C'est-à-dire que là, vous avez un souverain qui est conscient du danger, du péril que représente le mécontentement dont on a déjà parlé de la population et qui se sent visé. Donc il n'est pas tranquille. Il est conscient du fait qu'il est en train de pousser la population vers une exaspération, vers des ressentiments, vers toutes sortes de sentiments qui sont en puissance extrêmement violents et qui pourraient donner comme résultat sa propre élimination, c'est-à-dire que la situation pourrait se retourner contre lui. Donc on le sent inquiet, et là aussi tiraillé entre deux velléités, celle de se protéger, celle de survivre à une situation qui est quand même unique. Aucun sultan n'a réussi jusque-là à survivre à un coup organisé contre les janissaires. Il veut donc survivre, il a peur, mais en même temps, il veut se faire voir, il veut être là, il veut en imposer par sa présence, par ses paroles, etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce que j'appelle le fait de se refaçonner, de s'inventer, de se créer un caractère qui est très différent de ce que l'on sait des sultans précédents. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830. aujourd'hui de la plus grande des guerres saintes et de l'autocratie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours des thèmes LDEM. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Réalisation, Laurelène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Lundi, Temeldem poursuivra son analyse de la figure de Mahmoud II en autocrate moderne et il s'attachera aux marques de résistance dans la société ottomane. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.